front veut devenir grand. Mais il reste assis, petit bouffon, insulte le sultan. Injuste, mais ça dépend pour qui. La vie est injuste, surtout pour les petits. La vie est injuste et c'est pour ça qu'on rit. Chez les grands, les puissants, les pourris rient.